Coucou, c'est Mathieu. Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, j'ai décidé de faire appel à des sponsors. En écoutant leurs messages publicitaires, vous nous permettez de continuer à imaginer des tas d'histoires pour vous. Merci de votre soutien. Les petites histoires de Tell Me. Si vous pouvez écouter une nouvelle aventure de Nao, Myrtille et Barnabé, c'est grâce à Epopia. Je vous en dis plus en fin d'épisode. Bonne écoute! Les envies de Noël. Nao, Myrtille et Barnabé vivaient dans un immeuble pareil à 100 000 autres, à une exception près. Ces couloirs étaient parcourus de portes magiques qui s'ouvraient sur d'autres mondes, des mondes qu'ils étaient sur le point de découvrir. Nos trois amis s'étaient donné rendez-vous chez Nao pour le goûter. Alors que Myrtille était en train de lire les dernières nouvelles de la gazette Magimax, Nao était penché sur son bureau, la langue tirée pour mieux s'appliquer à écrire. Soudain, il lâcha son stylo et se redressa en levant les bras au ciel. « J'en ai ras le crayon de cette lettre! Je n'arrive pas à la finir !» « Tu parles de ta lettre au Père Noël ?»« Oui, ça fait des jours que je suis dessus. À chaque fois que je la termine, je la relis et j'ai toujours l'impression d'oublier un truc. Alors je le rajoute. » Barnabé entra dans le salon avec un plateau chargé de cookies moelleux, un chocolat chaud délicieux pour Nao, un lait de poule merveilleux pour Myrtille et un thé de Noël exquis rien que pour lui. « C'est le moment de faire une pause. Ça permet d'y voir plus clair. »« Mais il faut que je l'envoie. Déjà qu'elle fait 10 pages, si je tarde trop, le Père Noël n'aura jamais le temps de préparer tous mes cadeaux. »« On ne reçoit jamais tout ce qu'on met sur une liste. »« Mais on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut dans une lettre au Père Noël ?»« Si, mais c'est impossible que tu reçoives tout. » C'est pour ça que moi, je ne mets que ce dont j'ai besoin pour devenir la plus grande des sorcières. Des grimoires, des ustensiles et des kits de potions, des ingrédients super rares comme des poils de licorne ou la bave de troll. Et puis, je demande toujours une baguette, même si je sais que je ne l'aurai pas parce que, même si je suis très en avance sur mon âge, je ne suis pas assez grande pour en avoir une. Mais on ne sait jamais. « À quoi ça sert de la mettre si tu sais que tu ne vas pas la recevoir ?»« Imagine que j'ouvre un paquet et que je la trouve. Ce sera le plus beau jour de ma vie. »« Et tu n'es jamais déçu de ne pas la voir ?»« Jamais, parce que chaque cadeau est une surprise. »« Ben, même que moi aussi j'adore les surprises. Alors, je fais une lettre toute simple où que je dis que ce que j'aime, la danse, les robots et les BD... Et je laisse le Père Noël choisir quoi qu'il veut. Et avec ça, t'es jamais déçu? Jamais. Ouais, ben moi, j'ai envie de tout avoir. Je n'ai pas envie d'être déçu parce que je n'aurais pas reçu le bon cadeau. Je te propose d'aller à Cadeauville. Il n'y a pas meilleur endroit pour être inspiré. Ni une, ni deux, nos trois amis s'emmitouflèrent sous une couche de vêtements bien chauds avant de filer vers la porte qui les mène à Cadeauville. Cadeauville est une bien jolie bourgade nichée au cœur d'un écrin de fiers sapins enneigés. Avec leurs décorations enchanteresses, ses rues brillaient de 1000 feux. Chaque chaumière était divisée en deux. À l'étage se trouvaient les appartements d'où s'échappaient d'alléchantes odeurs de pain d'épices. Au rez-de-chaussée, des ateliers aux vitrines féeriques qui propulsaient dans des mondes merveilleux quiconque les regardait. Résultat, les enfants tournaient comme des toupies. Myrtille voulut pousser la porte d'une boutique. Mais... La porte est fermée? Celle-là aussi? Foi de sorcière, c'est louche, très louche même. Personne ne prend de repos à cette époque de l'année. Peut-être qu'ils sont partis faire une course. Tous ensemble, j'en doute. Et puis, ils auraient mis un panneau. Chut, écoutez, vous entendez? le murmure d'une foule, saupoudrée d'éclats de voix, leur parvint. Intrigués, nos trois amis s'en approchèrent. Ils débouchèrent sur une grande place bondée de lutins qui écoutaient attentivement le discours de deux hommes debout sur une estrade, chacun abrité derrière un pupitre comme s'il participait à un débat. Celui de droite était un jeune lutin athlétique avec une raie sur le côté, un sourire étincelant et un costume blanc parfaitement ajusté. Celui de gauche était un vieux monsieur joufflu avec une barbe plus blanche qu'une cascade de flocons. Il portait une salopette rouge et blanche et un pull XXL sur lequel était tricotée une grosse tête de renne. Le lutin prit la parole. « Camarades lutines et lutins, je vous le demande, la mission de Cadeauville n'est-elle pas d'offrir des sourires aux enfants ?» Toute la foule hocha la tête, en signe d'approbation. Certains applaudirent et sifflèrent joyeusement. « Alors, il est temps pour vous d'évoluer, d'embrasser le progrès afin de répondre sans faille à toutes les envies de Cadeau !» Si Cadeauville faisait cela, Dardoufet, on enlèverait l'un des ingrédients qui fait la magie de Noël, la surprise. Quel plaisir auront les enfants en ouvrant des paquets dont ils connaissent déjà le contenu? Le plaisir de la découverte sera remplacé par celui d'avoir été écouté. Fini la frustration de devoir faire des choix. Mais c'est tout l'intérêt d'une liste de Noël. Faire le tri dans ses envies pour ne garder que ce qui nous fait vraiment plaisir et ce dont on a vraiment besoin. Vous ne sortez qu'une fois là, monsieur le maire, mais j'ai parcouru le monde, rencontré des tas d'enfants, et je peux vous le dire, la liste au Père Noël est une épreuve, parfois une torture, sans compter que rien ne garantit aux enfants qu'ils recevront le bon cadeau. « Bien sûr que si. Nous avons une armée de lutins qui étudient d'un œil expert chaque lettre reçue. En plus, elles sont toujours croisées avec les anciennes demandes pour trouver quel cadeau dans la liste fera le plus plaisir à l'enfant. Et au moindre doute, nous allons enquêter sur le terrain. »« Vous vous rendez compte du poids qui pèse sur ces pauvres lutins ? S'ils se trompent dans leur analyse, c'est un enfant qui sera malheureux. Et je ne parle pas des risques que prennent ceux qui vont enquêter dans le vaste monde qui est, nous le savons tous, rempli de dangers. Apporter le bonheur ne se fait pas sans risque. Peut-être, mais si Cadeauville commençait à offrir aux enfants tout ce qu'ils demandent, le monde s'en porterait mieux. Tant que je serai maire, Cadeauville protégera la tradition de la liste de Noël. Alors il est peut-être temps de laisser votre place. De nombreux lutins ont déjà rejoint ma cause. Avec moi, finis les tracas et les soucis. En suivant ma vision révolutionnaire, le monde ne sera que bonheur. Une vague d'enthousiasme parcourut toute la grande place. Nao était aux anges. « Mais il est trop génial, ce monsieur Dardoufet !»« Tu n'as rien écouté, foi de sorcière. Comme l'a dit le maire, les cadeaux ne serviraient plus à rien. Mais grâce à lui, tu aurais enfin ta baguette. Ça gâcherait tout. Je préfère avoir la surprise. Alors, c'est que tu n'en as pas vraiment envie. »« N'importe quoi, toi, d'abord. Tu sais que c'est son plus grand, énorme, gigantesque rêve. Même que moi, je te comprends, Myrtille. En n'ayant pas tout tout de suite, on profite mieux de ce qu'on a. Comment tu peux le savoir? T'as juste 5 idées de cadeaux chaque année. Nom d'un chaudron, qu'est-ce qui te prend, Nao? » Myrtille avait parlé un peu fort. Tous les regards se braquèrent vers les enfants. Les lutins avaient des têtes de chouette ahuries. Le maire ouvra et ferma la bouche comme un vieux merlu. Son adversaire sauta sur l'occasion. « Des enfants, ici, en ce grand jour de débat, comme nous, ils semblent se diviser, à moins que je me trompe. Vous avez raison, répondit Nao. Il croit que votre idée est nulle, alors que moi je la trouve trop bien. Parfait. Lutine, Lutin et vous, monsieur le maire, je vais vous prouver que mon idée est la meilleure. Donnez à un enfant tous les cadeaux qu'il veut pour Noël et il sera comblé à jamais. Vous saurez alors que Cadeauville doit s'ouvrir au progrès. Les vivats de la foule portèrent Dardoufet qui quitta la scène triomphalement. Le maire, lui, était totalement désarçonné par la situation. « Mais le progrès, ce n'est pas ça !»« Oui, je suis d'accord avec vous !» dit Myrtille. « Moi, je n'ai pas du tout envie de recevoir tous les cadeaux dont je rêve à Noël !»« Ouais, moi non plus! En plus, j'adore les surprises !» Je suis sûr qu'en voyant votre ami rayonner de joie, vous n'aurez qu'une envie, être comme lui. Aucun enfant ne peut résister à une pluie de cadeaux. La foule se dispersa. Barnabé et Myrtille restèrent avec le maire. Nao, lui, suivit Dardoufet qui l'entraîna à travers les ruelles de Cadeauville, bercées par le bruit des ateliers qui avaient tous repris leur activité. Nao se sentait sur un petit nuage. Dans quelques minutes à peine, il allait recevoir tous les cadeaux qui figuraient sur sa liste de 10 pages. Des jours d'une intense réflexion dûment récompensée. Nao et Dardoufet arrivèrent au bord de la ville, là où une partie de la forêt de magnifiques sapins avait été arrachée pour laisser place à un bâtiment si grand qu'il faisait passer tous les ateliers de Cadeauville pour des maisons de poupées. Au-dessus de l'imposante porte, un panneau annonçait fièrement, en néon rouge et jaune, « Chez Dardoufet ». « Bienvenue au paradis, Nao !» Ils pénétrèrent dans un hall gigantesque et glacé, parcouru de rangées d'étagères si hautes qu'il fallait se tordre le cou pour voir exactement jusqu'où elles montaient. On y stockait toutes les pièces et les matières premières nécessaires à la fabrication de tous les jouets possibles et imaginables. Des centaines de lutins s'activaient en sifflotant et chantonnant gaiement. Dardoufet emprunta des dizaines d'allées jusqu'à tomber devant une porte tout en métal, comme celle d'un coffre-fort. Il s'éclaircit la voix et prit un air très sérieux. « Peu de gens ont pu passer cette porte. Tu seras le premier à pouvoir profiter de ma grande invention. Mais avant de pouvoir t'offrir tous les cadeaux que tu as écrits sur ta liste, nous allons passer un pacte. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une minuscule condition de rien du tout. » Si tu es convaincu par ma façon de faire, tu devras plaider en ma faveur sur la grande place de Cadeauville. Et si je ne suis pas convaincu, tu seras libre de partir, mais tu devras me rendre tous les cadeaux. Mon petit doigt me dit que ça n'arrivera pas, crois-moi. Ça me semble tout à fait honnête. C'est d'accord. Dardoufet tendit sa main vers Nao, qui voulut la lui serrer. Mais le lutin se ravisa. « Attention, un pacte est un pacte. On ne peut revenir dessus. Si tu le romps, attention à la punition. »« Pourquoi j'aurais envie de le rompre? Vous êtes curieux quand même. Bon, on atteste cette fabuleuse invention ?» Dardoufet sortit une petite clé en or de la poche de son veston. Il l'afficha dans une serrure et la tourna. Un fracas de métal fit trembler le sol, puis la porte s'ouvrit, projetant un petit nuage de poussière qui fit éternuer Nao. L'intérieur du coffre était une pièce aussi vaste qu'une piscine vide. Au milieu, une sorte de machine avec des tas de loupiottes était éclairée par une multitude de projecteurs comme un trésor. Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? La boîte a envie ! Plonge-y ta liste au Père Noël et laisse faire la magie. » Nao s'approcha de la machine. Elle aspira les 10 feuilles de la liste de Nao comme des spaghettis. Elle gronda furieusement, clignota follement et s'éteignit avant de se rallumer dans un tintamarre de tous les diables qui obligea Nao à se boucher les oreilles. Dardoufet, lui, avait mis un casque anti-bruit. D'un coup, des dizaines de tuyaux surgirent des murs et du plafond, et puis plus rien. Le silence revint. « Et maintenant ?»« Je te laisse le découvrir. » Dardoufet sortit de la pièce et ferma la porte. Soudain, un torrent de paquets déferla. Paniqué, Nao chercha de l'aide auprès de Dardoufet, mais celui-ci avait disparu. Il essaya tant bien que mal de ne pas se faire submerger, mais le déluge de cadeaux était sans fin. Épuisé, il baissa les bras et fut englouti. Soudain, il sentit quelque chose l'agripper par le slip. Il s'agita dans tous les sens pour échapper à la chose qui l'attrapait, puis se sentit remonter vers la surface. Ce n'était pas un monstre, mais une pince, comme celle des machines de fête foraine qu'il avait extirpée. Elle le lâcha comme une vieille peluche sur un balcon de métal qui bordait la mer de cadeaux. Dardoufet aida Nao à se relever. Le lutin rayonnait de fierté. « Tu te rends compte, Nao? Tous ces cadeaux sont à toi !»« Je vais passer une éternité à les ouvrir !»« Peut-être, mais ils sont à toi, rien qu'à toi. Tu peux en faire ce que tu veux, n'est-ce pas merveilleux ?»« Si, mais... » »« Alors c'est parfait. Après tant d'émotions, tu dois être épuisé. » Je t'ai fait préparer une chambre tip-top luxe réservée à nos invités de marque. Je vais t'y emmener. Ensuite, mes charmants lutins vont t'y apporter tes cadeaux pour que tu puisses en profiter sur le champ. Trop bien ! Vous croyez que Myrtille et Barnabé pourraient venir ? J'aimerais bien leur montrer tout ce que vous m'avez offert. Oh, profite de tes cadeaux ce soir et demain tu leur montreras. Nous montrerons à tout le monde que j'avais raison. Tu peux prendre un cadeau tout de suite avec toi, si tu veux. Nao prit le plus gros paquet à portée de main avant de suivre le lutin à travers un labyrinthe d'ascenseurs dont le dernier l'amena directement dans la plus grande chambre que Nao ait jamais vue. Une grande baie vitrée donnait sur Cadeauville. Vue de si haut, elle ressemblait à une nuée de lucioles. Dardoufet laissa Nao seul à son émerveillement. Le garçon ouvrit son premier cadeau. Le vaisseau de Starflouz, le héros intergalactique! Mais alors qu'il s'imaginait une grande aventure, on toqua à la porte. Sans attendre une réponse, une armée de lutins à la queue leu-leu vint déposer des dizaines et des dizaines de paquets. Tout excité, Nao en déballa un, puis deux, puis trois, puis 12. Il était épaté. À chaque fois, c'était bien un des jouets qu'il avait demandé. Mais au 20e paquet, il commença à fatiguer. Son regard se posa sur la montagne de paquets qui lui restait à ouvrir. Avait-il bien fait d'en accepter autant? Tout de suite, c'était déjà bien trop. Là, il demanda au lutin d'arrêter de lui apporter des cadeaux. Nao se retrouva seul, entouré de ses cadeaux. Plutôt que d'ouvrir ceux qui lui restaient, il préféra jouer avec ceux qu'il avait déjà sous la main. Il s'amusait comme un fou, jusqu'au moment où un petit plop retentisse. Une trappe apparut sur le plafond, juste au-dessus de lui. Elle s'ouvrit et patatras. Myrtille et Barnabé lui tombèrent dessus. Non, mais franchement, Myrtille, ton sort n'est pas au point. Bien sûr que si, gros bêta. Je suis une grande sorcière, je te signale. Ce doit être ce bâtiment qui détraque tout. Vous pourriez vous lever. Vous m'écrasez, je vous signale. Myrtille et Barnabé se relevèrent et aidèrent Nao. Désolé, c'est Myrtille et sa magie. Tu sais ce que c'est. Ma magie est parfaite, je te remercie. Je crois que vous me devez des excuses. Regardez tous ces cadeaux. C'est géant, non? Mouais. Ne fais pas ton vieux rochon, Barnabé. On voulait venir te voir. Mais les portes du bâtiment de Dardoufet étaient fermées. Et juste avant de tourner les talons, on a entendu des pleurs près du local à poubelle. Et alors? C'est à cause de ta liste. Ouais, c'était des lutins qui pleurnichaient. Ils disaient que ta liste était une cabasprof, une catastrophe. Enfin bref, ils ont parlé de gros soucis pour Cadoville et tout. Ce qu'essaie de dire Barnabé, c'est que même si les lutins adoraient l'idée de Dardoufet, en créant autant de cadeaux, aussi rapidement, pour une seule personne, ça a été comme un avant-goût de l'enfer. De l'enfer? Carrément. Tu ne trouves pas que t'exagères? Quelqu'un toqua à nouveau à la porte. Attendez une seconde, je suis en train de m'habiller. Décarpissez, je ne veux pas perdre tous mes cadeaux. Décarpissez? Cette liste t'a vraiment changé, Nao. Laisse-le, monsieur préfère ses cadeaux. Que personne ne m'attrape, abracadatrape. Une trappe se dessina sur le sol et s'ouvrit. Barnabé soupira. Les deux amis sautèrent dans le creux de la trappe qui se referma derrière eux avant de disparaître. Une fraction de seconde plus tard, la porte de la luxueuse chambre de Nao s'ouvrit. Dardoufet fixait les cadeaux écrasés par la chute de Myrtille et Barnabé qui entouraient Nao, l'air effrayé. Que s'est-il passé? Tes cadeaux t'ont déplu? Pas du tout, bien au contraire. Mais voir tous ces paquets, ça m'a donné envie de plonger dedans. Je suis désolé. Vous êtes fâché? Mais non, pas du tout. C'est merveilleux. Je vais te faire amener de nouveaux paquets. Mais ne veille pas trop tard, car demain est un grand jour. Nao n'eut pas le temps de répondre. Dardoufet s'éclipsa. Pas besoin de plus de cadeaux. Il lui en restait encore des dizaines à ouvrir, sans compter qu'il n'avait même pas eu le temps de profiter de ceux qu'il avait déballés. Aussi décida-t-il de jouer. Il commençait à peine une aventure du capitaine Starflouz au pays des dinos, qu'on toqua de nouveau à la porte. Une fois de plus, sans attendre sa réponse, une cohorte de lutins rentra, les bras chargés de cadeaux. Bientôt, on ne pouvait plus circuler sans marcher sur un paquet. Nao souffla devant tout le déballage qui l'attendait. Et là, il croisa le regard des lutins livreurs. Un regard triste et gris, bien caché derrière un sourire forcé. La question sortit toute seule. « Il y a quelque chose qui ne va pas ?»« Tout va bien, messire Nao. » Vous offrir des cadeaux qui vous mettent en joie nous comble de plaisir. Maintenant, si vous le voulez bien, nous devons aller nous reposer, car demain est un grand jour. » Ça sonnait encore plus faux que Myrtille poussant la chansonnette. Nao fit du mieux qu'il put pour ne rien laisser paraître, mais au fond de lui, il commençait sérieusement à paniquer. Et si Myrtille et Barnabé avaient raison? Et si satisfaire toutes ses envies de cadeaux avait rendu les lutins malheureux? C'était impensable, impossible. Il devait tirer tout cela au clair. Il attendit que les lutins soient sortis pour les suivre à bonne distance à travers des mètres et des mètres de couloirs et des volées d'escaliers pour finalement s'approcher à pas de loup de la porte du grand dortoir des lutins. Les pauvres avaient l'air épuisés. Celui qui avait répondu à Nao quelques instants plus tôt s'assit sur le bord de son lit et craqua. « Ce n'est pas ce que je voulais. J'ai bien vu qu'il avait l'air épaté quand il a vu tous ses cadeaux, mais il n'en a même pas ouvert 20. Et quand on lui en a apporté de nouveau, son sourire s'était déjà envolé. Il n'a même pas souri, il n'a même pas dit merci. Je suis sûr qu'il ne va jouer essentiellement qu'avec deux d'entre eux. » On aurait mieux fait de rester avec le maire et ne jamais écouter ce Daerdoufe. Mais avec le contrat qu'on a signé avec lui, pas moyen de s'en aller. Sinon, on sera puni. Et Messire Nao a conclu aussi un pacte avec lui. Alors, Cadeauville est perdu. Et c'en est fini des surprises à Noël. La porte du dortoir se referma. Nao resta un long moment dans le couloir plongé dans l'obscurité. Qu'avait-il fait? Nao tournicota dans son lit toute la nuit sans pouvoir fermer l'œil. Il ne savait pas quoi faire. Impossible de dire qu'il n'était pas content d'avoir reçu autant de cadeaux. Mais en même temps, c'était trop. Et puis si c'était vraiment au détriment des autres, ça ne valait pas le coup. Mais il y avait ce pacte. Il ne pouvait pas le rompre sous peine d'avoir une sacrée punition. Alors, quand au petit matin on frappa à sa porte, Nao accrocha son plus beau faux sourire à son visage. Au moins, ça avait l'air de soulager un peu les lutins qu'il croisait. Une fois dehors, Nao eut le souffle coupé. Daerdoufe avait mis les petits plats dans les grands. Un char digne des plus grands carnavals l'attendait, couvert d'une montagne de paquets cadeaux au sommet de laquelle on avait posé deux trônes. Daerdoufe, qui était assis sur le plus grand et le plus somptueux, lui fit signe de le rejoindre. Nao déglutit et grimpa. Lorsqu'il fut assis, le cortège démarra sous les vivats des lutins. L'entrée sur la grande place fut triomphale, comme si l'équipe de Daerdoufe avait gagné la Coupe du monde des jouets. Seul un petit groupe faisait grise mine, le maire, Barnabé et Myrtille, entourés de quelques lutins à la mine renfrognée. Daerdoufe se leva, les vivats redoublèrent. Il profita du moment et fit signe à la foule de se taire. Lutine! Lutin et monsieur le maire, Cadeauville va pouvoir s'ouvrir au progrès. Le test que nous avons fait avec Nao a été un succès retentissant. Et qui, mieux que Nao lui-même, pour vous parler de l'expérience mirifiquement génialissime qu'il a vécue? Nao se leva à son tour. Il avait l'impression d'étouffer et se sentait rougir. Il regarda ses pieds, se tortilla les doigts, puis osa prendre la parole. « C'est vrai. J'ai été épaté par la magie de la machine de M. Daerdoufe. J'avais 10 pages d'envie de cadeaux et j'ai tout reçu. Enfin, je crois, parce que je n'ai pas eu le temps de tout ouvrir. » Barnabé et Myrtille regardèrent Nao tristement. Son cœur se serra. Il dut retenir une larme. Il regarda les lutins qui travaillaient pour Daerdoufe. Ils étaient tous suspendus à ses lèvres. Il devait faire un choix. Garder ses cadeaux ou être puni. Il resta muet une éternité de secondes. Et d'un coup, la solution lui parut évidente. Il devait tenter le tout pour le tout, quitte à être puni à vie. « Mais avoir tous les cadeaux qu'on espère, eh ben finalement, je trouve que ça lasse. J'ai compris pourquoi les copains disaient que ça ne servait à rien. Petit menteur, je t'ai vu. Tu étais tout excité en ouvrant tes cadeaux. Au début, oui. Mais après, j'ai vu la mine triste des lutins quand ils ont vu qu'au 20e paquet, je m'amusais moins. C'est normal, ils ont travaillé dur pour te satisfaire. Dur? Vous rigolez? Ils étaient épuisés et dévastés. Vous leur aviez promis que si un enfant recevait tous les cadeaux qu'il demandait à Noël, il serait heureux. Eh ben, c'est faux. Tu n'es qu'un petit égoïste. Non. J'ai réfléchi, c'est tout. Imaginez ce que ça donnerait si vous deviez créer tous les cadeaux de toutes les listes du monde. Ce serait l'enfer pour les lutins. Les cadeaux de Noël n'offriraient plus de surprises et la fête perdrait toute sa magie. Tais-toi ! Tais-toi ! Tais-toi ! Non, laissez-moi terminer. S'il vous plaît, mesdames et messieurs les lutins, continuez à faire comme avant. Sélectionnez soigneusement les cadeaux qui feront le plus plaisir aux enfants. Parce qu'un Noël sans surprise, ce serait vraiment nul. Pas vrai, les copains ? Myrtille et Barnabé lui envoyèrent le plus lumineux des sourires. Les lutins étaient tous sous le choc des révélations de Nao. Dardoufet, lui, oscillait entre rage et effroi. « Petit vaurien ! Tu te crois plus malin que moi ? Nous avons passé un pacte et tu l'as brisé ! Vilain garnement !» Porté par une illumination, le maire bedonnant fendit la foule jusqu'au char et se précipita au sommet de la montagne de cadeaux. « Père Fouettard, tu es démasqué !» Le visage de Dardoufet se fendit d'un sourire diabolique. Une fumée noire l'enveloppa, révélant un vieux nabot fripé et sec comme un bout de bois. « J'étais à ça de gâcher Noël !» Les enfants sont odieux. Ils ne méritent pas d'être émerveillés. Maudit Nao, tu ne paieras rien pour attendre. Tu m'as trompé et maintenant tu vas venir avec moi au pays des punitions. Dardoufet, ou plutôt le père Fouettard, voulut attraper Nao par le col. Mais une trappe apparut entre eux deux, faisant surgir Myrtille et Barnabé. N'importe quoi, vous! « Nao a été honnête, foi de sorcière !»« Ouais, même qu'il a dit la vérité. Votre invention ne lui a pas plu. Il ne devait être de votre côté que pour vous, que si ça lui plaisait. Du coup, il a le droit de garder tous ses cadeaux. »« Je crois bien que je vais le changer en crapaud. »« Maudit garnement ! Ne me force pas à te chasser, Fouettard ! Disparais !» Sur la grande place, les huées et les sifflets piquèrent le père Fouettard. Une expression de dégoût décomposa son visage. Il cracha par terre. Un tourbillon de fumée noire l'entoura. Et dans un rire glacial, il se dispersa aux quatre vents. Une cloche de silence recouvrit tout avant d'exploser sous les hurlements de joie des lutins. Je suis désolé, les amis. Excuse, acceptez, respectez. On accepte tes excuses. Tu vas faire quoi de tout ça? Les laisser ici pour que Cadeauville les offre à des enfants qui en voudront vraiment. Moi, je vais réfléchir à ma liste, même si je pense avoir enfin une petite idée. Ah bon? On a vécu une sacrée aventure quand même, et j'ai très envie de la raconter. Alors, je crois que rien ne pourra me faire plus plaisir qu'un joli carnet, un stylo et une palette de crayons de couleur. Oh, oh, oh ! C'est noté, mon garçon. Merci encore d'avoir sauvé la magie de Noël. Grâce à vous, nous allons pouvoir fabriquer et livrer les cadeaux qui vont rendre une nouvelle fois heureux tous ceux qui les ouvriront cette année. Heureux d'avoir aidé tous les habitants de Cadeauville, Nao, Myrtille et Barnabé rentrèrent chez eux. Avec ses amis, Nao s'empressa de prendre des notes pour raconter leur histoire. Et d'un coup, une question surgit. « Attendez une minute. Un vieux monsieur, avec une grande barbe blanche et une salopette rouge, ça ne vous rappelle pas quelqu'un ?» Voilà, l'histoire est terminée. J'espère que vous l'avez aimée. Je me suis vraiment amusé à l'écrire pour vous, et je remercie Epopia de m'avoir permis de le faire. Avant de vous laisser, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Grâce à Epopia, vous pouvez échanger par courrier postal avec Nao, Myrtille et Barnabé, les aider dans leur choix et vivre une aventure unique avec eux. Perso, je m'y suis abonné avec mon fils. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur epopia.com. E-P-O-P-I-A.com.